mots que je te parle ce soir, te verrai-je? Je sors de la chambre de mon père, il va mieux. Le médecin nous a dit qu'il était sauvé. Il m'a reconnu, il m'a pris la main et il m'a dit de cet air étrange qu'il a depuis qu'il est malade. Est-ce toi, Elias? Tiens, je ne l'avais jamais remarqué. Mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager, il faut voyager. C'est étrange, je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait et pleurait de joie. Tu ne t'en es pas aperçu, toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Derrière cette porte. Vite, vite, réponds vite, où te verrai-je? Où veux-tu? Dans le parc près de la fontaine des aveugles. Veux-tu, viendras-tu? Oui. Ce sera le dernier soir. Je vais voyager comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus. Ne dis pas cela, Péléas. Je te verrai toujours. Si loin que tu ne pourras plus me voir. Est-il arrivé, Péléas? Je ne comprends plus ce que tu dis. Va-t'en. Séparons-nous. J'entends parler derrière cette porte. Que le père de Péléas est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort a quitté le château. Un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Depuis ta venue, on a vécu ici qu'en chuchotant autour d'une chambre fermée. Et vraiment, j'avais pitié de toi, mais disons, je t'observais. Tu étais là, insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait toujours un grand malheur au soleil dans un beau jardin. Je ne puis pas expliquer. J'étais triste de te voir ainsi, car tu es trop jeune et trop belle pour vivre déjà jour et nuit sous la laine de la mort. Mais à présent, tout cela va changer. Être là le fruit le plus sûr de ma vie. À mon âge, j'ai Ce soir, tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Rien, rien, j'ai passé au travers d'une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur, je vais essayer votre front. Je ne veux pas que tu me touches, entends-tu? Attends, je ne te parle pas, où est mon épée? Cherchez mon épée. Ici, sur le prie-Dieu. Apporte-la. Combien t'en fort de trouver un paysan mort de faim le long de la mer. On dirait qu'il tient une fosse à mourir sous nos yeux. Eh bien, mon épée. Pourquoi tremblez-vous ainsi? Je ne vais pas vous tuer. Je voulais simplement examiner la lame. Je n'emploie pas l'épée à ses usages. Pourquoi m'examinez-vous comme un pauvre? Je ne viens pas vous demander l'aumône. Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux sans que je voie quelque chose dans les vôtres. Croyez-vous que je sache quelque chose? Voyez-vous ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être riches. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Il t'honorerait à Dieu des leçons d'innocence. chose. Écoutez. J'en suis si près que je sens la fraîcheur de leur cils quand ils clignent. Et cependant, je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde que des plus petits secrets de ses yeux. Une grande innocence, plus que de l'innocence. On dirait que les songes du ciel y célèbrent sans cesse un baptême. Je les connais, ses yeux, je les ai vus à l'œuvre. Fermez-les, fermez-les. Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas? Ha, ha! Ne tâchez pas de fuir ici. Donnez-moi cette main. Ah, vos mains sont trop chaudes. Allez-vous-en, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre à genoux devant moi. Ah, ah, oh, je sais que t'en fais quelque chose. À droite et puis à gauche et puis à droite. Absalom, Absalom. En avant, en arrière, jusqu'à terre, jusqu'à terre. Vous voyez, la vie déjà comme un vieillard. Ah, ah, ah. Voyez-vous, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors, oh! Parce que c'est l'usage, simplement parce que c'est l'usage. Quand il est donc, il est. Mais il ne m'aime plus. pas assez long. Ils étaient bien venus, mais pas être sous le vide. On dirait qu'il a des racines dans la terre. Le dernier soir, il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Cette fois-ci, il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait pas mon nom qui a 100 ans que je ne l'ai plus vu. Et je n'ai pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, est-ce toi? Mélisande. Oui. pas ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul. Laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n'avons rien à craindre. Regarde, on pourrait nous voir. Je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu. Oui, votre frère dormait. Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait un mauvais rêve. Puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée. Je l'ai perdue dans ses verges. Ma pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore en galère comme un oiseau pour chasser. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Pourriez-vous? Je ne ris pas, ou bien je ris de joie sans le savoir. Il y aurait plutôt de quoi pleurer. Nous sommes venus ici il y a bien longtemps, je me rappelle. Oui, il y a de longs mois. Alors, je ne savais pas. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je ne sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que... Je t'aime aussi. Oh, qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Jusqu'ici, on dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire. Non, je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère. Oh, comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. De l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. criais, je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Il nous observe, il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en, tout de suite, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il me tuera.